Il passa cependant la semaine suivante dans le plus grand trouble. Mais ce trouble n'était pas sans charme. Il ne sortait pas de chez lui et n'osait pour ainsi dire remuer comme pour mieux laisser faire la fortune. En cela, il agit avec plus de sagesse qu'on a ordinairement à son âge, car il n'avait que 25 ans et l'impatience de la jeunesse nous fait souvent dépasser le but en voulant l'atteindre trop vite. La fortune veut qu'on cède soi-même et qu'on sache la saisir à propos, car selon l'expression de Napoléon, elle est femme. Mais pour cette raison même, elle veut avoir l'air d'accorder ce qu'on lui arrache, et il faut lui donner le temps d'ouvrir la main. Ce fut le 9e jour, vers le soir, que la capricieuse déesse frappa à la porte du jeune homme. Et ce n'était pas pour rien, comme vous allez voir. Il descendit et ouvrit lui-même. La négresse était sur le seuil. Elle tenait à la main une rose qu'elle approcha des lèvres de Pipeau. « Baisez cette fleur, » lui dit-elle. « Il y a dessus un baiser de ma maîtresse. Peut-elle venir vous voir sans danger ?»« Ce serait une grande imprudence, » répondit Pipeau, « si elle venait en plein jour. Mes domestiques ne pourraient manquer de la voir. Lui est-il possible de sortir la nuit ?»« Non. Qui l'oserait, à sa place ? Elle ne peut sortir ni la nuit, ni vous recevoir chez elle. Il faut donc qu'elle consente à venir autre part qu'ici, dans un endroit que je t'indiquerai. Non ? C'est ici qu'elle veut venir. Voyez, à prendre vos précautions. » Pipeau réfléchit quelques instants. « Ta maîtresse peut-elle se lever de bonne heure ? » demanda-t-il à la négresse, à l'heure où se lève le soleil. « Eh bien, écoute, je me réveille ordinairement fort tard, par conséquent, toute ma maison dort la grasse matinée. Si ta maîtresse peut venir au point du jour, je l'attendrai. Il pourra pénétrer ici sans être vu de personne. Pour ce qui est de la faire sortir ensuite, je m'en charge. » Si toutefois elle peut rester chez moi jusqu'à la nuit tombante, elle le fera. Vous plaît-il que ce soit demain ? Demain à l'aurore, dit Pipeau. Il glissa une poignée de sequins sous la gorgerette de la messagère. Puis, sans en demander davantage, il regagna sa chambre et s'y enferma, décidé à veiller jusqu'au jour. Il se fit d'abord déshabiller, afin qu'on crût qu'il allait se mettre au lit. Lorsqu'il fut seul, il alluma un bon feu, mit une chemise brodée, un collet de senteur et un pourpoint de velours blanc avec des manches de satin de la Chine. Puis, tout étant bien disposé, il s'assit près de la fenêtre et commença à rêver à son aventure. Il ne jugeait pas aussi favorablement qu'on le croirait peut-être de la promptitude avec laquelle sa dame lui avait donné un rendez-vous. Il ne faut pas d'abord oublier que cette histoire se passe au XVIe siècle. Et les amours de ce temps-là allaient plus vite que les nôtres. D'après les témoignages les plus authentiques, il paraît certain qu'à cette époque, ce que nous appellerions de l'indélicatesse passait pour de la sincérité. Et il y a même lieu de penser que ce qu'on nomme aujourd'hui vertu paraissait de l'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, une femme amoureuse d'un joli garçon se rendait sans de longs discours, et celui-ci n'en prenait pas pour cela moins bonne opinion d'elle. Personne ne songeait à rougir de ce qui lui semblait naturel. C'était le temps où un seigneur de la cour de France portait sur son chapeau en guise de panache un bas de soie appartenant à sa maîtresse, et il répondait sans façon à ceux qui s'étonnaient de le voir au Louvre dans cet équipage que c'était le bas d'une femme qui le faisait mourir d'amour. Tel était d'ailleurs le caractère de Pipeau que, fût-il né dans le siècle précédent, il n'eût peut-être pas entièrement changé d'avis sur ce point. Malgré beaucoup de désordre et de folie, s'il était capable de mentir quelquefois à autrui, il ne se mentait jamais à lui-même. Je veux dire par là qu'il aimait les choses pour ce qu'elles valent et non pour les apparences, et que tout en étant capable de dissimulation, il n'employait la ruse que lorsque son désir était vrai. Or, s'il pensait qu'il eût un caprice dans l'envoi qu'on lui avait fait, du moins, il n'y croyait pas voir le caprice d'une coquette. J'en ai dit tout à l'heure les motifs, qui étaient le soin et la finesse avec lesquels sa bourse était brodée et le temps qu'on avait dû mettre à la faire. Pendant que son esprit s'efforçait de devancer le bonheur qui lui était promis, il se souvint d'un mariage turc dont on lui avait fait le récit. Quand les Orientaux prennent femme, ils ne voient qu'après la noce le visage de leur fiancé, qui jusque-là reste voilé devant tout le monde. Il se fit à ce que leur ont dit les parents, et se marie ainsi sur parole. La cérémonie terminée, la jeune femme se montre à l'époux qui peut la vérifier par lui-même si le marché conclu est bon ou mauvais. Comme il est trop tard pour s'en dédire, il n'a rien de mieux à faire que de le trouver bon. Et l'on ne voit pas, du reste, que ces unions soient plus malheureuses que d'autres. Pipo se trouvait précisément dans le même cas qu'un fiancé turc. Il ne s'attendait pas, il est vrai, à trouver une vierge dans sa dame inconnue, mais il s'en consolait aisément. Il y avait en outre cette différence à son avantage que ce n'était pas un lien aussi solennel qu'il allait contracter. Il pouvait se livrer au charme de l'attente et de la surprise, sans en redouter les inconvénients, et cette considération lui semblait suffire pour le dédommager de ce qui pourrait d'ailleurs lui manquer. Il se figura donc que cette nuit était réellement celle de ses noces, et il n'est pas étonnant qu'à son âge cette pensée lui causât des transports de joie. La première nuit des noces doit être, en effet, pour une imagination active, un des plus grands bonheurs possibles, car il n'est précédé d'aucune peine. Les philosophes veulent, il est vrai, que la peine donne plus de saveur au plaisir qu'elle accompagne, mais Pipo pensait qu'une méchante sauce ne rend pas le poisson plus frais. Il aimait donc les jouissances faciles, mais il ne les voulait pas grossières, et malheureusement, c'est une loi presque invariable, que les plaisirs exquis se payent chèrement. Or, la nuit de noces fait exception à cette règle. C'est une circonstance unique dans la vie, qui satisfait à la fois les deux penchants les plus chers à l'homme, la paresse et la convoitise. Elle amène dans la chambre d'un jeune homme une femme couronnée de fleurs qui ignore l'amour, et dont une mère s'est efforcée depuis 15 ans d'ennoblir l'âme et d'orner l'esprit. Pour obtenir un regard de cette belle créature, il faudrait peut-être la supplier pendant une année entière. Cependant, pour posséder ce trésor, l'époux n'a qu'à ouvrir les bras. La mère s'éloigne, Dieu lui-même le permet. Si en s'éveillant d'un si beau rêve, on ne se trouvait pas marié, qui ne voudrait le faire tous les soirs? Pipo ne regrettait pas de ne point avoir adressé de questions à la négresse, car une servante, en pareil cas, ne peut manquer de faire l'éloge de sa maîtresse, fût-elle plus laide qu'un péché mortel. Et les deux mots échappés à la signora Dorothée suffisaient. Il eût voulu savoir seulement si la dame inconnue était brune ou blonde. Pour se faire une idée d'une femme, lorsqu'on sait qu'elle est belle, rien n'est plus important que de connaître la nuance de ses cheveux. Pipo hésita longtemps entre les deux couleurs. Enfin, il s'imagina qu'elle avait les cheveux châtains, afin de mettre son esprit en repos. Mais il ne sut alors comment décider de quelle couleur étaient ses yeux. Il les aurait supposés noirs si elle eût été brune et bleus si elle eût été blonde. Il se figura qu'ils étaient bleus, non pas de ce bleu clair et indécis qui est tour à tour gris ou verdâtre, mais de cet azur pur comme le ciel qui, dans les moments de passion, prend une teinte plus foncée et devient sombre comme l'aile du corbeau. À peine ses yeux charmants lui eurent-ils apparu avec un regard tendre et profond, que son imagination les entoura d'un front blanc comme la neige, et de deux joues roses comme les rayons du soleil sur le sommet des Alpes. Entre ces deux joues aussi douces qu'une pêche, il crut voir un nez effilé comme celui du buste antique qu'on a appelé l'amour grec. Au-dessous, une bouche vermeille, ni trop grande ni trop petite, laissant passer entre deux rangées de perles une haleine fraîche et voluptueuse. Le menton était bien formé et légèrement arrondi, la physionomie franche mais un peu altière. Sur un cou un peu long, sans un seul pli, d'une blancheur mate, se balançait mollement, comme une fleur sur sa tige, cette tête gracieuse et toute sympathique. À cette belle image, créée par la fantaisie, il ne manquait que d'être réel. « Elle va venir, » pensait Pipo, « elle sera ici quand il fera jour. » Et ce qui n'est pas le moins surprenant dans son étrange rêverie, c'est qu'il venait de faire, sans s'en douter, le fidèle portrait de sa future maîtresse. Lorsque la frégate de l'État qui veille à l'entrée du port tira son coup de canon pour annoncer 6 heures du matin, Pipo vit que la lumière de sa lampe devenait rougeâtre et qu'une légère teinte bleue colorait ses vitres. Il se mit aussitôt à sa croisée. Ce n'était plus cette fois avec des yeux à demi fermés qu'il regardait autour de lui. Bien que sa nuit se fût passée sans sommeil, il se sentait plus libre et plus dispos que jamais. L'aurore commençait à se montrer, mais Venise dormait encore. Cette paresseuse patrie du plaisir ne s'éveille pas si matin. À l'heure où chez nous les boutiques s'ouvrent, les passants se croisent. Les voitures roulent, les brouillards se jouaient sur la lagune déserte et couvraient d'un rideau les palais silencieux. Le vent ridait à peine l'eau. Quelques voiles paraissaient au loin du côté de Fusine, apportant à la reine des mers les provisions de la journée. Seul, au sommet de la ville endormie, l'ange du campanile de Saint-Marc sortait brillant du crépuscule et les premiers rayons du soleil étincelaient sur ses ailes dorées. Cependant, les innombrables églises de Venise sonnaient l'Angélus à grand bruit. Les pigeons de la République, avertis par le son des cloches, dont ils savent compter les coups avec un merveilleux instinct, traversaient par bandes à tire-d'aile la rive des Esclavons, pour aller chercher sur la grande place le grain qu'on y répand régulièrement pour eux à 7 heures. Les brouillards s'élevaient peu à peu. Le soleil parut. Quelques pêcheurs secouaient leurs manteaux et se mirent à nettoyer leurs barques. L'un d'eux entonna d'une voix claire et pure un couplet d'un air national. Du fond d'un bâtiment de commerce, une voix de basse lui répondit. Une autre, plus éloignée, se joignit au refrain du second couplet. Bientôt le chœur fut organisé, chacun faisait sa partie tout en travaillant, et une belle chanson matinale salua la clarté du jour. La maison de Pipo était située sur le quai des Esclavons, non loin du palais Nani, à l'angle d'un petit canal. En cet instant, au fond de ce canal obscur, brilla la scie d'une gondole. Un seul barcarolle était sur la poupe, mais le frêle bateau fendait l'onde avec la rapidité d'une flèche et semblait glisser sur l'épais miroir où sa lame plate s'enfonçait en cadence. Au moment de passer sous le pont qui sépare le canal de la grande lagune, la gondole s'arrêta. Une femme masquée, d'une taille noble et svelte, en sortit et se dirigea vers le quai. Pipo descendit aussitôt et s'avança vers elle. « Est-ce vous ?» lui dit-il à voix basse. Pour toute réponse, elle prit sa main qu'il lui présentait et le suivit. Aucun domestique n'était encore levé dans la maison. Sans dire un seul mot, ils traversèrent sur la pointe du pied la galerie inférieure où dormait le portier. Arrivée dans l'appartement du jeune homme, la dame s'assit sur un sofa et resta d'abord quelque temps pensive. Elle ôta son masque. Pipo reconnut alors que la signora Dorothée ne l'avait pas trompé et qu'il avait en effet devant lui une des plus belles femmes de Venise et l'héritière de deux nobles familles, Béatrice Loredano, veuve du procurateur de Nato.